Tortoli et Art Attack tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Hey yo Bruxelles, bonsoir Bruxelles, bonjour, bonsoir, nous sommes le mardi 29 mai. C'est exact. Exactement, c'est ça ? Oui, je confirme, et il doit pas être loin de 17h, et on est ensemble jusqu'à 18h. Exactement mon cher Art Attack, l'émission s'appelle Tortoli et Art Attack, moi-même Tortoli, lui-même Art Attack. Il est de retour, et ça fait plaisir, j'en prends le micro. Il était parti pour une petite cure. Ah, je vais raccrocher les gants, c'est vrai que bon. Une petite cure du nez. Ah non, je reviens en pleine forme, ça fait plaisir. Franchement, ça fait. J'ai une petite appréhension quand même. Bah, je ne le cache pas. C'est comme refaire du vélo après un vieil accident, quoi. Ouais, sauf que là, il y a pas de roulette, quoi. Là, c'est du direct. Hein. Y a pas de. Non, on est obligé de rechausser les gants et on va les rechausser. Enfin, je sais pas si on dit chausser pour des gants. On s'en mitoufle, voilà. On remonte sur le ring. Et voilà, cesse de sentiments. Le programme, c'est du lourd. C'est du lourd. Ah, non, mais ça, c'est pour les bonnes vieilles habitudes. C'est pour te donner un petit peu de force, mon cher Arbatax. Voilà. Toujours une petite boisson gazeuse, Tortoli, ça fait plaisir. Un bon vieux old gin. Trois ans d'âge. On parlait de programme. Allez, rien que pour s'allécher un petit peu les babines. Santi Gold, il y a du Youssoupha, du nouveau The Rapture. On ira du côté de l'Afrique aussi, hein, parce que Staff Benda, Jaguar Music, tout ça. Parce que l'Afrique, c'est l'avenir. J'en dis pas trop, mais vous voyez un peu le tour. En tout cas, l'Afrique, ouais. C'est l'avenir, c'est vrai. Certains le prétendent. Il y a de l'actu. On est sur du son nouveau. Je pense qu'il y a du son que vous n'avez peut-être jamais entendu, sûrement, et étant donné que nos auditeurs sont. Enfin, en tout cas, pour moi, culte. Oui. Pour moi, oui. C'est... Ah, pour toi, oui. Oh, bah, il y en a à peu près la moitié là. Bah, très bien. Bah, voilà, je te demanderai ton impression alors. Ça marche. Par contre, est-ce que tu connais le générique ? Ça va peut-être te rappeler autre chose. Vas-y, on va voir. On va voir. Ça dit quelque chose. Beverly Hills, 90-210. 90-210. Guitare. Tortoli. Arbatax. Radio Panique. World. Wow. Là, t'as pris ta petite claque. Ah, j'ai pris ma petite claque. Tu l'as senti claquer, c'est là. Beverly Hills, que de souvenirs. Que de souvenirs, ouais, je sais pas pourquoi on a choisi ça. Peut-être pour ton style des années 90, là, un petit peu. Non, c'est parce que j'ai déménagé, en fait. J'habite dans un quartier résidentiel, maintenant. Sur les collines du sud de Bruxelles. Sur les Molines. Sur les collines. Beverly Gilles. Beverly Saint-Gilles. C'est bien, petite dédicace au passage. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, c'est bien, Beverly Hills. 90-210, code postal, c'est Dex. Et ouais. C'est plutôt pas mal. Ça m'a rappelé un peu le générique de C'est pas sorcier quand même. Tu sais, au niveau du riff de guitare. Ouais. Ça, y avait un petit peu, on retrouvait la même pêche en fait. C'est peut-être Marcel, le chauffeur camionneur de C'est pas sorcier, qui a composé peut-être. Ah bah je pense, bah, il a des relations. Hein. Ouais, il a bourlingué quand même. Je l'ai connu, il était à Hollywood. Hein. Bon, après il a fini à France 3, voilà. À Beverly Hills, tu regardais un peu ou pas c'était quoi? C'était le soir en train de l'école, le samedi? Je sais plus quand c'était. Non, mais moi je faisais des cassettes et je les regardais le samedi, bah, toute oui. la nuit. Bah oui, puis tu les passais aux potes. Bah je l'ai passé aux potes, bien sûr. 250 épisodes de Beverly Hills quand même. Ah ouais. 10 ans d'émission. J'ai des chiffres. Ah ouais? J'ai des chiffres. Et mais tu... C'est encore ouais. d'actualité ce qu'on non. Peut... Non. C'est non, fini. Non, c'est fini. Il y a Belle Levrette, mais. Mais. Bah, les acteurs, ils ont 40 ans maintenant. Imagine-toi, il faut que tu les imagines tous. Ils ont tous 40 ans et plus, quoi. Ouais. Alors, je me souviens plus trop. Je sais qu'il y avait un. Bah, tu t'identifies à qui, toi? Il y avait Brandon. Moi, Brandon Walsh. Non, moi j'étais plutôt. Je m'identifie pas mal à la blonde, là, la forte poitrine. Kelly? Ouais, Kelly, la travailleuse du sexe. Ouais. Ouais, celle qui sortait avec Steve, un peu le surfeur, le volleyeur. Ah, exact, Steve. Ouais. Pas Steve Coleman, hein, rien à voir. Non, c'est autre chose. Ça. C'est qui Steve Coleman? C'est un jazzman. Dis-le, sans les infos, attends, t'as de la culture comme ça. Je pensais que t'avais écouté l'émission de la semaine dernière, spéciale jazz. Ça, on avait passé du Steve Coleman. Apparemment, justement. Ça a jasé. Mais, ça a pas mal jasé. J'étais arrivé en retard, je rentrais du boulot, je me suis connecté un peu tard. Ça arrive malheureusement. Ça arrive, mais figure-toi que. Mais je me connecte quand même pour la fin, tu vois, j'essaie toujours d'avoir la dernière goutte. Comme beaucoup d'auditeurs, t'as une séance de rattrapage. Tu peux accéder aux émissions passées. Via le podcast, je t'ai tendu la perche. Je te l'ai enfoncé la perche. Elle était belle. Donc, on s'enchaîne. Très bien, non, mais j'écouterai évidemment parce que je ne veux pas avoir du retard. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont du retard, voilà, l'émission est partie. Tortelière Batax, vous êtes bien sur le 105.4, 105.4 FM à Bruxelles. Et on est parti, et là ça y est, on cause son, quoi, petit peu Tortoli. Bah attendez, mais fermez-la tous. On va causer son. Première dupliquette, deux morceaux. Alors le deuxième ce sera Madou et Mariam, mais ça on va y revenir. Santigold, Santigold. Santigold, de son ancien nom Santogold. Elle avait changé de nom parce qu'il y a une histoire de jazzman encore qui avait déjà la propriété d'accord. de ce nom, Santogold. Pas une histoire de divorce, quoi. C'est pas pour un divorce qu'elle a changé de nom. Non, elle n'a pas repris son nom de jeune fille. Non. Elle est revenue à Santigold. Imagine quelqu'un, un ancien jazzman, aurait le nom d'Arbatax. Tu vois, t'imagines un petit peu le délire. Comment t'envisagerais la chose? Est-ce que tu changerais? Bah, c'est moi qui porterais plainte contre lui. Ok. Ah oui, tu. Bah oui, c'est normal. Oui, mais si le gars est là, et je te mets dans la situation où le gars est là depuis 10 ans, comment ça se passe? Ça dépend de l'envergure du type, quoi. Il est là depuis 10 ans, je m'en fous. Je pense qu'à côté de toi, s'il fait 10 cm de plus que moi, là on peut causer. Dans tous les cas, je pense qu'il sera plus large, quoi. De toute façon, un jazzman qui s'appelle Arbatax, excuse-moi, mais je pense qu'il est là. Oh. Non, il y a que des porcs qui s'appellent Arbatax. Quoi? Oh, ça. Bah, je te parle de la Sardaigne. D'accord, porc, P-O-R-T. Ah oui. Non, mais. Puerto. Ah, bon, un Puerto, voilà. Puerto Rico. D'accord. D'ailleurs, j'aime bien ce prénom, Rico. Petite crique. Pas mal. Et donc pour en revenir à Santigold, elle a sorti un album là il y a quelques semaines. Il y a de l'actu. L'album s'appelle Master of My Make Believe. Si on traduirait pas. Pris des cours d'anglais pendant que j'étais parti. Si, j'ai arrêté. Ah oui, voilà, c'est ça. J'ai largement arrêté. Master of my Make Believe, ouais. Et le titre s'appelle The Keepers. Ouais. Voilà, c'est une tuerie d'album, ça a été salué par la critique, mais surtout et même salué par la clique. Par Tortelière Batax. On l'a salué personnellement. La consécration ultime. Donc c'est un gros titre, c'est suivi derrière de Amadou et Mariam en featuring avec Ebony Bones, la chanteuse habillée par Jean-Charles de Castelbajac, s'il vous plaît. Voilà, on va se faire ça, on dérive. Bah on va dériver tranquillement, de toute façon cette émission n'est qu'une grande dérive, je veux dire, depuis le début. Hein. C'est vrai. Il n'y a qu'un truc qui ne change pas, c'est vous. Qu'est-ce que je peux ajouter? Allez, Santigold, The Keepers. Celle-là, je la kiffe bien. La chanson. c'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. En effet, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile de parler quand les micros sont désactivés. Ah, voilà, voilà. Nickel, bon. C'était donc Amadou et Mariam, leur nouvel album. Voilà, tout à fait. Tout à Folila, fait. Le nouvel album. Folila. Folila. D'accord. En combien de mots? Un mot, un seul mot. Un seul mot. D'accord. F-O-L-I-L-A. D'accord. Et donc le titre c'était C'est pas facile pour les aigles. Et en fait l'explication de ce titre, cette chanson. Je ne t'ai pas posé la question encore. On avait dit qu'on se posait la question et tout. Tu voulais vas-y pose. Alors mais pourquoi les aigles pourquoi c'est pas facile pour les aigles? Pourquoi c'est pas facile pour les aigles? Parce que les aigles en fait c'est une c'est le surnom de l'équipe nationale du Mali. De ballon rond, de football. Donc en fait Amadou et Mariam ont eu l'idée à l'approche de l'euro de créer un hymne. Une dynamique, quoi. Ouais, voilà, une sorte de ferveur. Une ferveur pour leurs amis maliens, footballeurs. Qui vont évidemment jouer l'euro. Et en fait, ils disaient que c'est pas facile dans le sens où ils prennent souvent l'avion, ils sont confrontés à des conditions un petit peu difficiles pour affronter. Décalage horaire. Ouais, voilà. Moi, je trouve que c'est un petit peu une sorte d'hymne à l'excuse, quoi. C'est pas facile, on a perdu parce que les conditions, c'est pas facile parce que. C'est ça. Oui. Parce qu'il y avait de l'orage, c'est pas facile. Le ballon était sous-gonflé. Voilà. Ah ouais, l'arbitre était sous-payé, voilà, ce genre de choses. Non, mais ça, déjà, j'y crois pas un mot, quoi. Et puis. Ils sont pas qualifiés pour l'euro, de toute façon. Ah ouais, non, j'allais te demander un petit pronostic pour l'euro. Ils n'ont même pas été en phase de qualification. Le Mali n'était pas pour l'euro. Ça a été, on a coupé court direct à toutes les rumeurs. Le Mali n'est pas à l'euro. Je crois qu'ils ont eu le choix. Soit ils adoptent l'euro, la monnaie, soit ils allaient au championnat d'Europe. D'accord. Ils ont choisi. Je pense qu'ils ont eu ni l'un ni l'autre. Il y a une petite quenelle. Oh merde. Petite quenelle dans les deux sens. Enfin, dans les deux sens, tu me diras s'ils n'ont pas eu l'euro, c'est peut-être pas plus mal en ce moment. C'est pas facile pour les aigles. On se lance dans la politique. C'est comme chelou, quoi, parce que d'habitude, on fait des hymnes, tu sais, genre allez, allez, tu vois, on fait des trucs un peu genre on est les meilleurs, c'est vrai. On porte fièrement nos couleurs, machin, je sais pas quoi, on est champion. Ouais. Il y a 20 ans, on était champion, on est les plus forts, allez, les verts. Là, ils font une chanson d'excuses qui explique pourquoi ils sont pas très forts, quoi. Ouais. Ou pourquoi ils s'en sortent pas. Pourquoi, c'est marrant, pourquoi ils seraient amenés à perdre, quoi. Mais de toute façon, les aigles, c'est quand même une belle bête. Quoi. Apparemment, il y a, le PSG qui voulait faire un hymne aussi. Ils ont fait appel à Madi Mariam. Dans le... Ah, d'accord. Oui, tout à fait. Dans le même style, hein, de, truc et d'excuses. Et tout, comment il s'appelle ? Ce sera allez, allez, on est deuxième, on peut être premier bientôt. T'as pas l'air d'être supporter de Paris. Non, je... Ça me désole un peu de ta part. J'aime quelques individualités à l'intérieur de l'équipe, surtout celles qui sont les furets là, avec des crêtes. Là. Au niveau capillaire, ouais. Celles-là, je les aime bien. Capillairement parlant, ouais, c'est pas mal. J'ai un petit faible pour le numéro 9, c'est vrai que bon. J'imagine. Voilà. D'ailleurs, on verra ce qu'il fera à l'Euro. Comme les enfants, quoi. On est toujours fan du Jérémy buteur. On est toujours fan des gens qui marquent des buts. Bah, le vrai buteur du PSG, c'est Néné, quoi. Je veux dire, c'est pas Jérémy Ménez, quoi. Jérémy Ménez, il fait le travail, tu vois. Il est juste derrière, il fait les centres et tout, il court, il galope. Quoi. Quand il est pas chez le coiffeur. Parce que, quand il est pas chez le coiffeur. Ça, c'est une autre histoire. Mais apparemment, c'est le jardinier du Parc des Princes, hein, son coiffeur. Ah, d'accord. Il a fait des petites lignes blanches. Un petit rond. C'est vrai qu'ils ont pas... ils pourraient avoir de l'humour, quand même, au capillaire. Enfin, ils en ont déjà. Le surnom de l'équipe de Paris, c'est quoi ? Le surnom de l'équipe de Paris, je sais pas, allez, parce que les aigles, c'est pour le Mali. Les bleu beach, je crois, on dit, ou je sais pas. Les tours Eiffel, quoi, non ? Les tours Eiffel. Les tours Eiffel. Les Concorde. Non, je sais pas. Non, ils ont pas de surnom, quoi. Ah, ils ont pas de surnom. Non. Mais oui. Par contre, tu connais peut-être les surnoms des autres équipes africaine. Bien sûr, les. En ce moment de préparation d'Euro, de football. Je connais quoi ? Les Zébus de. Les Zébus d'où ? Du Zimbabwe. Non, je ne les ai plus en tête. Zébus soif. Ça, c'est... les Gnous du. non. Du Soudan. Non, je sais pas. Tu connais par exemple l'Egypte ? L'Egypte, c'est les. Les pyramides. Non, c'est les pharaons. Les pharaons d'Égypte, exact. Les pharaons exact, d'Égypte. Exact, qui gagnent relativement souvent la CAN, en fait. Voilà. En fait, c'est une bonne équipe, on le sait pas, mais apparemment, c'est la meilleure équipe d'Afrique, presque. Bah, ils marchent au sucre. Hein. Ouais. Au sucre de CAN. Oui. Elle est bonne. Le Maroc, tu sais à peu près le... Maroc, c'est Les falafels, c'est les lions de l'Atlas. Les lions de l'Atlas. Ouais. Marchera pas, ça. Ouais, un autre plus facile, si tu veux. Les Chipolopolos. Les Chipolopolos ? Ouais. Allez, Sierra Leone. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que c'est eux qui ont gagné le sucre de canne la dernière. C'est la Zambie. Et c'est eux qui ont gagné la canne ? Je crois. La Zambie. Je sais pas. Bah, les éperviers, tu situes le pays ? Afrique du Nord. Pas du tout. Le Namibie. Non, le Togo. Le Togo ? Togo, bah oui. Ah, peut-être plus facile, Super Eagles. Ah là, les aigles, les bah, super aigles. Bah, c'est proche du Mali, c'est la même région, ça. C'est. Alors, on va faire appel à tes. T'as le droit à un appel à un ami, si tu veux. Je sais que c'est pas le Cameroun, c'est pas Côte d'Ivoire, c'est pas le Sénégal. T'attends que je te dise oui sur. La Mauritanie. Pas du tout, c'est pas du tout. Nigeria. Bon, un petit dernier, vraiment. Un petit dernier. Les lions de la Teranga. Là, c'est assez facile. Sénégal. Oh putain, là. Bravo. Bim! Bravo. Nickel. Le Congo, tu saurais peut-être ? Les gorilles du Congo. Pas du tout. Non, je sais pas moi non plus. Les mufles ? Non. Le Congo ? On saura pas, je pense. Congo. Allez, à vérifier. Envoyez les infos, hein, parce que le monde les a pas là. Ouais, on ne les a pas. Toujours est-il qu'on connaît d'autres spécimens du Congo, si tu vois ce que je veux dire. Faut demander à Djibouti, l'émission qui suit, comment il s'appelle l'équipe de Djibouti ? L'équipe de Djibouti, ouais. leur surnom. Je sais pas. Les chevelus de Djibouti. Les barbus. Les retardataires. Bon, et tout ça pour. Non, mais tout ça, finalement, on a l'impression qu'on dérive toujours. On a l'impression qu'on dérive là, qu'on part un petit peu en vent de travers. Mais en fait, on va rester sur le Congo et sur Staff Benda. Mets le spi. Oui, on va rester sur Staff Benda, le Congo, dont on n'a pas le surnom de l'équipe nationale de football. Toujours est-il que Staff Benda, il sort un nouvel album en septembre. Ouais. Sauras-tu me dire le nom du nouvel album ? Bouger le monde. Bouger le monde. Il faut bouger le monde. Bah, très beau titre pour un groupe qui, ma foi, est dans une belle dynamique en ce moment, depuis quelques années. C'est vrai. Qui nous fait plaisir, en fait. C'est un groupe plaisir. Je pense que là, on est autant en live que sur la platine. C'est plaisir. Moi, ça, Staff Benda, ça me fait plaisir. Ils pourraient l'appeler Crotte, leur album, ça me ferait plaisir. Je suis déjà conquis, en fait. C'est des affinités que tu as avec ce genre de. Bah oui, non, mais ça, moi, je suis pas objectif sur Staff Benda. Moi, j'attends l'album, je sais très bien que ce sera bien. Je suis bien, j'aime bien. Ah, d'accord. Bien. Toujours est-il qu'ils étaient il y a deux semaines au Cirque Royal, oui, pendant les Nuits Botaniques. Ah, et ils ont joué quelques morceaux de ce nouvel album, Bouger le Monde, dont le titre qu'on va vous passer juste derrière, Osali Mabé. Un petit essai de traduction, une tentative de traduction. Osali Mabé. Une chanson de non, Carlos. Osali. Osali, oh. Effectivement, ouais. Mabé. Ça a dû bouger au Cirque Royal, hein, je pense. Ça a dû bouger. Ouais, je pense que ça a bien bougé. Yeah. Ah, cette petite touch. Allez, Staff Benda Bilili, Osali Mabé. Vous écoutez Tortoli et Herbe Attack 105.4. C'est ça. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. C'est Tortoli et Herbe Attack. C'est le retour des cow-boys. Arbeit. C'est Radio Panique. C'est Radio Panique. Yes, ça. Vous écoutez Tortolier Batac sur le 105.4. Toujours FM. La même fréquence. Et donc, je t'ai vu te déhancher un petit peu. Bah, j'ai toujours mon petit coupé décalé légendaire, hein, j'avoue que. Le fameux. Bien connu dans le sud de Bruxelles. Et dans le sud du Morbihan. Et dans le sud du Morbihan, tout à fait. J'ai deux régions. Staff Benda Bilili, c'était. Hein, voilà, si vous venez de nous prendre en cours. Staff Benda Bilili, le morceau Océli. Mabé, qui sera dans le prochain album en septembre, Bouger le monde. Et voilà, et la petite interruption volontaire, on vient comme ça vous couper la chic. Ouais, ou enchaînement. Enchaînement. Pour vous parler d'un truc. Enchaînement calculé. Là, on est encore sur un combo. Et non pas un Congo. Enfin, je t'ai tendu la perche. Oui. Elle est belle. Toujours est-il qu'on va vous passer un son juste après qui est issu du même label de disques que Staff Benda Bilili. Mm-hmm, le label s'appelle Crammed Disc. Crammed Disc. Voilà. Qui est un label la Belgique. Hein, la Belgique. Qui est un label d'ici en fait, qui est un label local. Voilà. Crammed Disc. Ils ont d'autres mondes hein, quand même chez eux. Ils n'ont pas les Hoquettes. Ouais, ce genre de choses. Hein, ils en avaient beaucoup. C'est sympa. Balkan sympa. Beatbox, hein, je crois, était récemment signé là-dessus. Ouais, toujours est-il que le titre qu'on va vous passer juste derrière, c'est un titre du groupe Jagua Music, J-A-G-W-A. Jagua Gogon. Jagua Gogon. Le titre s'appelle Dunia Watu et il est issu de leur futur album qui va sortir à la rentrée, Bongo Hot Heads. Mais l'actu n'est pas là. Charabatax. L'actu est. Non, raconte. Et demain. Droit au but. Demain mercredi, Jagua Music. Oui. Qui va se produire sur scène à chez Bruxelles. Nous, chez nous, à ici. Bruxelles. Là, dans le quartier. Pas trop loin. Quartier des Ursulines. Quartier des Ursulines, ça a lieu à la gare de la Chapelle, au Recyclard. C'est donc ce mercredi, le 30 mai, ça vous coûtera 7€. Et oui, parce qu'ils sont passés à l'euro. C'est vrai que ouais, il faut trouver 7€ d'ici à demain, ça va pas être facile. Il va falloir arrêter les bières, les gars. Enfin, ce soir, vous pouvez vous lancer en streaming, quoi. Arrêtez le bar, quoi. Toujours est-il que Jagua Music ouais, se produit demain au Recyclard et que ça a l'air plutôt pas mal. Bah, ça a l'air pas mal, mais du coup, on était censé les connaître avant. Est-ce que c'est des vieux briscards de la scène? C'est pas des vrais. Ou on est sur une révélation? Là, ils sont sur une révélation qui fait une pré-tournée en Europe. Une pré-tournée ils vont fréquenter les hotspots de. Ok. Ils voient un peu ce que ça donne. Et ils testent un peu le public. Ils testent et en même temps ils testent leur musique, j'imagine. Et après ils testent leurs instruments, leurs nouvelles chaussures, etc. Et après ils vont se lancer dans un gros truc. Quoi. Mais ça risque d'être assez sympathique. D'accord. Donc attention, petite soirée pour les précurseurs. Hein. Recyclard. Ils viennent de Tanzanie. Ah oui, bah très bien. Bah oui, mais on restait de toute façon dans la région, mais là on est un peu plus au sud. Hein. Est-ce que tu connaîtrais peut-être le surnom de l'équipe de foot de Tanzanie? Tu veux pas en démordre? Ah non. Est-ce que je travaille chez Endemol. Tanzanie, mais non, je les Safari Men. Non, c'était les Safari Boys. Kilimanjaro Star. Les Kilimanjaro Stars. Ouais, puisque ouais. Le Kilimanjaro, rappelons-le, est situé en Tanzanie, au nord-est. Au nord-est, exactement. Exactement. Et oui, et il est formé d'ailleurs de 3 volcans éteints, culmine plus ou moins vers 3965 mètres. C'est ce qu'on appelle le toit de l'Afrique, hein, tout simplement. C'est ouais. Le toit de l'Afrique. Cette rubrique, vous étiez présentée par Wikipédia.org. Oh la vache. Non, mais j'irais bien faire un petit tour en Tanzanie. Hein. D'ailleurs, on vous emmène. On vous emmène. C'est parti. C'est parti. Jagua Music. Jagua Gogon. nous écoutons les Radio Panique. Si. Si. Vale. Vous pouvez faire otra vez. Si, si. Hola, estamos en Colombia y desde aquí escuchamos Radio Panic, Tortolí y Arbatax. Sí. ¿Y hace la traducción? Nous sommes ici de la Colombie et nous écoutons le Radio Panic avec Tortolí y Arbatax. Tous les mardis à 5h jusqu'à 6h. Yeah. Gracias. Yeah, petite dédicace à Michko Michko qui nous a fait ce petit générique. Vous êtes toujours sur Tortoli et Arbatax. On est entre 5h et 6h à peu près. On est toujours mardi. Vous êtes toujours branché sur le 105.4 FM à Bruxelles. Tranquillamente. Et on vient de s'écouter Jaguar Music, nouveau groupe signé chez Kramdisk qui seront demain en concert mercredi 30 mai. Au Recyclard, voilà, toujours à la pointe. Et en parlant d'Afrique, on n'a pas que la musique, on a aussi le soleil en ce moment à BXL. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette petite chaleur, un petit peu comme ça, limite étouffante, tu vois, ce petit voile de transpiration. Sur les yeux, le front, comme ça. Voilà, c'est les décolletés sont sortis, les casquettes, les lunettes. Non, tu n'es pas d'accord? Tu veux pas trop rebondir là-dessus? Non, mais moi, je suis blasé. T'as trop chaud. J'ai chaud à la tête. J'ai le soleil qui me rentre dans les yeux. Non, ça fait des plaques. Mets une casquette. Bah voilà, c'est ça. C'est ça le souci en fait. C'est le souci, c'est que ce qui se passe. Je me suis fait taxer ma casquette. Tu t'es fait taxer ta casquette? Ouais. Laquelle? T'en as une bonne collection. Lorsque vous entendrez cette sirène et que vous verrez ce message, cela signifiera que le ministère de la Justice a lancé le dispositif d'urgence pour retrouver un enfant enlevé. Alerte enlèvement. Une description de l'enfant enlevé, sa photo, la date, l'heure et le lieu de l'enlèvement vous seront communiqués, ainsi que des informations sur le suspect. N'agissez pas seul. Composez le numéro de téléphone qui vous sera communiqué si et seulement si vous disposez d'informations. Alerte enlèvement et le dispositif d'urgence pour retrouver un enfant enlevé. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant. Donc là, voilà, je lance un appel assez rapidement. Ça a l'air de te faire sourire, mais c'est assez sérieux. Parce que là, on parle pas d'un enfant. J'ai perdu une visière rouge avec marqué poste d'âme dessus. Je suis extrêmement. La ville est-allemande. La ville est-allemande, je l'avais acheté en Allemagne, voilà, c'est un peu triste. Mais... Visière rouge. Potsdam. Rouge transparente. Vous voyez ce que c'est une visière, une espèce d'élastique derrière qui est là. Tout à fait, bien sûr. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, simplement le récompense promise. Oui. Récompense surtout promise. Pour le prix qu'elle a dû te coûter, bah, j'imagine, oui. Ça vaudrait bien le coup. Non, mais c'est sentimental. C'est une valeur sentimentale. Pour tout le reste, il y a Europcar, Mastercard. Mais là, pour la casquette Potsdam, là, il n'y a pas de prix. Hein. Voilà, donc l'enfoiros qui m'a piqué ça, bon bah voilà, qui se dénonce, ouais. Qui se taise à jamais. Voilà. En tout cas, qu'il fasse quelque chose, quoi. Ça se trouve, il est en train d'écouter en ce moment. Moi, je... Et là, il doit se sentir, ouh là là, il doit avoir les chocottes, le bonhomme. Il doit flipper sa race. Non, mais rien ne te sera fait, t'inquiète pas, bonhomme. Non. Appelle Radio Panique. Appelle, tu vas voir. Bon, on était sur un sujet sensible pour Tortoli. Bon, voilà, la petite pilule passera avec le temps, de toute façon. Ça ira. En tout cas, si vous avez des nouvelles, appelez. Hein, c'est le 02, je sais pas combien, radiopanique.org, il n'y a pas de problème. Ou Facebook, contactez-nous. Récompense gazeuse à la clé. Moi, j'ai envie de bouder. Eh ben non, ne boude pas trop parce que. je vais reprendre un boudin. Alors. Pas grave. Envoie le prochain morceau, madame. On part sur du rap français. Rap français, le petit groupe du moment là depuis un an ou deux. Un petit groupe versailles, je crois. 1995 en Belge. Paris Sud, pas tout à fait Versailles. Hein, Paris, mais Paris intramuros, mais Paris Sud. Paris. Voilà, ils seront de tous les festivals cet été, un petit peu à l'ancienne comme ça, un petit peu de l'école de la Secret Connection, etc. Ils utilisent des vieux samples et tout, c'est de bonne qualité, ils sont jeunes. Il y a Nekfeu, Steezy West, Alpha One, voilà, que les... Voilà, c'est le rap parisien... Que des voleurs de mobilier. Au plus pur, quoi, au plus pur. Très bien, et le titre qu'on va s'écouter là, c'est Renégat. C'est issu de l'EP La Source ? Non, pas du tout. C'est issu de Germain, surtout. C'est issu de Germain, et là, j'ai pas d'infos là-dessus. Germain-en-Laye ? Voilà. Saint-Germain-en-Laye. Non, ouais, voilà, c'est ça, c'est ce petit groupe, hein, 995. D'ailleurs, le morceau qui est là n'est pas très représentatif de ce qu'ils font. Ils sont plus sur des vieux samples. Attention, ça va partir. D'accord. J'essaie de combler en attendant, quoi. D'ailleurs, ce sera suivi par un petit Youssoufa, en featuring avec son père. Enfin, on aura le temps d'en reparler. Pour l'instant, c'est 1995 sur le 105.4. On a hérité du rap de rue. Nos limites, la politique, nos politiques. Un stade dream avec une baleine derrière les platines. J'ai comme l'impression d'avoir subi un choc cérébral. Je viens de me réveiller, ils ont délaissé l'époque des vrais bails. Faible, on vient balayer les mous du genou. On revient mettre la bonne musique au bout du jour. Merci pour tes conseils, désolé mais ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours tout fait seul, sache que c'est pas demain que ça va changer. Les grandes gueules me croient dérangé, mais j'emmerde des putes qui m'en veulent. Prenez gaffe car je ne respecte pas nos idées préconçues. Vous goûtez à la déconvenue, une chose est sûre, on est là. Du fond de l'art, sale jusqu'au premier rang, je veux que ça foute le spell. Et puis que l'ingénieur pousse le son, pour que les voisins écoutent le skull. Tes neurones gris quand j'ouvre le feu. Voilà les types qui brûlent le jeu. Et tapent en zoom, zoom la frappe pour que la jeunesse ouvre les yeux. Croire ce qu'on nous raconte tout part, c'est se laisser berner. Y'en a peuvent ça pour rester les mêmes, même si le périmètre est cerné. Mixer qu'on en veut avec leur dress code. On a des liaisons dangereuses comme Glenn Close. Nique la récession, les affaissons. Slise le Fennec, le Flazotia pour la sélection. C'est mon staff, ce bail, le bail, ce gap de rap. Ne graille que ça et ce depuis bien deux saisons. Tu crois que je fais les traces, FIFA les mystérieux. Ninja des rizières, c'est ainsi que je me déplace. On débarque, je te parle, pas de jeu des basses. Qui est le best, fan ou fan, moi je ne sais pas qui. T'aimes les blancs d'argent, la oui, les opas des maquis. Les vieux sachent que t'es pas forcément un renégat. Avant que leur système m'attrape, si c'est sale rap, j'reste un renégat. Pour tous les types trop faux devant le micro, faut pas tester un de mes gars. On est plus un crew ni un pont, sinon un gang frère. Une main d'humain en chair dans un gant de fer. J'ai juré que j'rapperai ou j'raterai la pluie, rien à foutre. C'est sûr c'est après, mais après la pluie vient la foule. On s'en va, nous on se vend pas pour entrer dans leur jeu. Pour rentrer devant leurs yeux, on se ment pas où on s'en va. Même s'ils sont hésiteurs, ils ignorent comment faire. Ce que j'pense en commentaire quand j'pose en verre, j'prends comment faire de lance. Guidé par ma guide, par mes valeurs, sûr j'tire sur les gueules de morceaux. Seul ce morceau va leur suffire. C'était 1995 avec le titre Renégat 1995, 1995, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Et tout de suite ça s'enchaîne avec la nouvelle bombe du rap français Youssoufa. Ça c'est un morceau issu de son dernier album, Noir Désir. Et c'est en featuring avec son père, c'est en dédicace à son père, Taboulet, Ray, Rochereau, qui était un maître de la rumba congolaise. Exact. Et il reprend le sample et rappe par-dessus. C'est plutôt pas mal, hein. Nous revoilà au Congo, Tortoli. Ah bah voilà. On cherchait pas et nous y revoilà finalement. Le surnom de l'équipe du Congo ? Les gorilles, je sais pas. Toujours pas. Les gogos ? Les gogos, les gorilles ? Les gorilles ? Je ne sais pas, moi non plus. Je vais faire une recherche quand même. Ça s'appelle Les Disques de mon père, c'est Youssoufa. Un mec avec un cheveu sur la langue. Ouais, et ouais. Et tu sais quoi ? Bah t'avais jamais entendu de rap français.

Vous savez où vous allez vous retrouver? Dans la merde, c'est votre élément la merde. Je ne sais même pas ce que c'est. Vous êtes des mouches à merde. Et maintenant, un petit peu de musique. Musique, musique. Musique, musique, musique. Musique. Un petit peu de musique. Mais avant la musique, il faut du blabla, il faut des explications, il faut un peu de clarté. Vous écoutez Tortoli et Herbe Attack, c'est une émission à la fois musicale et à la fois mi figue, mi soumise. Mi figue, mi raisin, mi à la fois drôle, j'ai envie de dire. Ah ouais. Moi je te trouve très drôle. Est-ce que tu te ah bon. Non, toi. Moi, toi. Je vais pas me jeter des fleurs, tu toi, toi, mon toi. Youssoupha, Youss. Alors Prince Parolier, le lyriciste bantou. Le lyriciste, ça dit quelque chose, tu connais maintenant? Ouais, ben ouais, voilà, c'était ça. J'avais regardé son concert sur Canal Street. Oui, à l'Olympia. Oui, qui c'était pas terrible. C'était le 14 mai, je crois. Ouais. C'était un lundi soir, je me rappelle très bien. J'étais fatigué, mon père avait fait un chili con carne et ça mettait du temps, les haricots, si tu veux, faut les tremper, machin, nan, donc ça n'en finissait pas. Ah ouais. Et du coup, en attendant, j'ai commencé à mater le Jean-Luc concert. Il est lent à tremper les haricots. Il est comme les haricots, il me gonfle, quoi. Oh. Il est trempé. Eh papa, je t'aime, t'inquiète. D'ailleurs, en parlant de papa, justement, voilà, c'était donc, comme on disait, le père de Youssoupha. Tabouleï avant les haricots, oui, je comprends bien. Il y a des drôles d'habitudes avant le chili, là. Il y a des drôles d'habitudes culinaires. Hein, non, mais en plus, c'est en deux mots, c'est Taboul, Rey, Rochereau. Ça, c'est le nom de Youssoupha. Le nom du père de Youssoupha. D'ailleurs, le père de Youssoupha qui a eu. Alors, attends, je crois que c'est une sorte de Bob Marley local. Qui a eu, genre, il a eu son petit instant de gloire. Mais je crois qu'il a eu genre 26 ou 27 enfants. Ah ouais. Avec quasiment 26 ou 27 femmes différentes. Parce qu'en fait, il était vraiment connu, quoi. Il était vraiment, choqué, vraiment connu. Je suis pas choqué. Ben non, et du coup, Youssoupha a une demi-cinquantaine de frères et sœurs. Et apparemment qu'ils croisent ici et là au Congo et il a pas encore fait le tour de la famille apparemment. J'ai fait quand même quelques recherches. Ton ami Tabouleï Rochereau, il est né Pascal Taboulé. C'est tout. Pascal Taboulé. D'accord. Et le Rochereau, c'est un petit peu, c'est en référence à d'enfer, dans le 14e. Sûrement. Sûrement. Ok, Pascal. Ouais, c'est sûr que c'est moins. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite dédicace à son père. Excuse-moi, mais je reviens juste sur ce que tu viens de dire. Sur le taboulet, ouais. Je viens d'avoir une information dans l'oreillette. C'est il a pris son nom de scène de Rochereau en hommage au gouvernement de Belfort, Pierre-Philippe d'Enfer Rochereau. On est dedans. Voilà. Et bim, comme dirait un pote à moi. Et bim, avec trois petits points d'exclamation avec derrière. Trois points d'exclamation dans les textos. Fat. Ah ouais. Bon bah très bien. Mais en tout cas Youssoupha, moi j'aime bien. Si vous vouliez mon avis en tant que critique amateur comme ça. Moi bah, puisqu'il faut l'album Noir Désir est relativement bien travaillé, les samples sont relativement lourds, bonne qualité par rapport au reste du rap français en ce moment. Bon texte, bien. Vraiment. À écouter. Alors puisqu'il faut un contre-exemple, moi je ne trouve pas tout bien. Non, j'ai pas dit que tout était bien. Bah, c'est un album. Non mais ça m'emmerde. Tout un album d'écouter Youssoupha, ça va pas. En fait, les lyrics, moi je trouve qu'il y a un tiers qui sont hyper bien trouvés, marrantes, voilà, il y a des bonnes rimes. Ouais. Mais les deux tiers, c'est un peu ça chiant, me saoule quand t'écoutes trois chansons de suite et que le mec, trois chansons de suite, il dit « t'as jamais entendu de rap français ». Ah bah attends, là tu caricatures, ça, c'est, des c'est pas tout le temps, ouais, mais il est pas tout le temps dans la punchline comme ça. C'est de la redite. Ça c'est une petite punchline qui fait la... Il y en a d'autres, l'irriciste bambou, bantou. Ouais, bantou. J'ai tellement écouté attentivement. Oh là là, enfin bon, mais ça reste agréable. Non, mais attends, c'est quand la dernière fois que t'as écouté un album complet de rap français? Un album entier? Les 15 morceaux de quel rappeur? C'était en 96, sans rémission, de Funky Family. Voilà. Voilà. Et à la même époque, t'avais L'École du Micro d'Argent ou Suprême NTM. Mais ouais, je veux dire, ça fait donc 15 ans que t'as pas écouté un album en entier. Non, donc, c'est pas vrai. Youssoupha est pas moins. Enfin, voilà. Un album en entier de rap français. C'est TTC. Ah, d'accord, est-ce vraiment du rap français? Je sais pas. Non, j'ai beaucoup écouté Gogol Sound System. De toute façon, on en reparlera dans une une autre émission quoi. Semaine prochaine, écoutez la semaine prochaine. Ça c'est le, c'est belge, c'est autre chose. Ah ouais non mais t'inquiète pas, ça va être bon. Bon bah Youssoupha, je crois qu'on a fait le tour. Blague entre deux morceaux, tac. Bon bah il y en a pas pour cette fois-là, mais tant pis. Et ben on va directement passer à Django. À Django. Voilà, tout simplement. Okay. C'est le moment. De toute façon, on va commencer à être pressé par le temps. Hein. Je veux dire, on n'a pas non plus toute la soirée. Par défaut, on va aller vite. Ça tombe bien. Voilà. Ça s'appelle Défaut et c'est Django. Tiki tiki don don. J'avais un petit coup, petit coup de batterie juste pour le plaisir. J'avais un petit coup de batterie à gueuler. Voilà. C'était Django avec le titre Défaut. Voilà, tout simplement. Pas d'info, pas le temps. Non, comme ils disent, ça n'a aucun rapport avec Django Reinhardt. Non, évidemment que non. Évidemment que non. Qui aurait pensé ça? Voilà, c'est la fin de l'émission. Là, c'est le classique qui part, les amis. Franck Valli, ça s'appelle. Franck Valli à roulette. Elle est bonne. Franck Valli and the Four Seasons, le titre s'appelle Begin. Vous allez comprendre pourquoi c'est un classique, puisque ça a été repris il y a quelques années par des Norvégiens, me semble-t-il. Des Danois, je crois, je ne sais plus. Ouais, Begin. Madcon, voilà, il s'appelait. C'est ça. Des blacks un peu à la Outcast. Voilà. Begin. Qu'est-ce qui te fait dire ça, des blacks à la Outcast? Je me souviens juste qu'il y a un mec qui a un bandana sur le côté. Voilà. Ah, du coup, d'accord. Moi, je croyais que c'était eux qui avaient inventé ça. Voilà, en tout cas ça faisait plaisir de vous retrouver. Pour ma part, c'était Arbatag, j'étais de retour et tout, c'était bien, c'était chouette. Le micro dans les mains, le casque suintant sur les oreilles par cette chaleur toute bruxelloise, typique. Toute bruxelloise. On se rejoint la semaine prochaine. Ça va sucer de la banane. Ça va éplucher. Un nom de code, banane. Voilà. Je pense qu'on va vous faire une spéciale banane. Cherchez pas plus loin. On en a parlé dans les coulisses là, mais... Là je me tâte, enfin je m'épluche depuis tout à l'heure et je pense qu'on on va se faire une spéciale banane. Nickel. Allez. Allez, on vous laisse, Begin. Et c'est Djibouti derrière. Ah bon. Les barbus. Ça a pas changé non plus. Non, non. Eh, la Vali. En soute ou en cabine? Au métro Vali. T'avais pas un pote qui s'appelait Charlie Vali? Charles Vali, ouais, exact. Ah exact. Ouais. Peut-être de la même famille, je ne sais pas. Si tu le croises, tu lui dis, je t'emmerde. Pas se polier avec mes potes. Allez, ça commence. Begin. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas Begin, je crois que c'est Begin to beg, demander. Ah, ok. Supplier, pas... demander, quoi. I begging you. Begin. Bégayer. Begin. Voilà, okay. C'est ça. On l'écoute ce titre. Allez, au revoir. C'est le classique. I'm begging you.